بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous continuons donc cette série de cours de l'adab al-mufrad de l'imam al-Bukhari رحمه تعالى avec l'explication du grand savant رحمه الله عليه que Allah lui fasse miséricorde, Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali Rahimahullah Ta'ala. L'édition moi, que j'ai ici, c'est le premier volume de Dar Mirath Nabawi. Et on est arrivé au chapitre. Je vais vous donner la page tout de suite, Inch'Allah. Pour les frères et les sœurs qui ont le livre, qui puissent suivre. C'est la page 35. Et c'est Babu La'anallahu man la'ana walidayhi. C'est le chapitre « Allah a maudit celui qui maudit ses propres parents ». On va voir ce que ça veut dire dans un instant, Inch'Allah Ta'ala. Donc, « Babu la'ana Allahu man la'ana walidayhi, haddathana Amr ibn Marzouq, qala akhbarana Shu'bah, an al-Qasim ibn Abi Bazzah, an Abi Tufayl, qala su'ila Aliyun, hal khassakumun nabiyu ?» صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا. الشيخ زيد رحمه الله عليه يديك الحديث الصحيح. Et je vous rappelle que Cheikh Zayd dans cette explication il se base sur صحيح الأدب المفرد de l'imam Bukhari fait par Cheikh Al-Albani رحمه الله. C'est-à-dire que Cheikh Al-Albani il a corrigé, il a vérifié plutôt l'authenticité de chaque hadith et les a classifiés et donc il a publié ce qu'on appelle صحيح الأدب المفرد, l'authentique de l'adab al-mufrad de Bukhari, car l'imam Bukhari n'a pas les mêmes conditions de l'adab al-mufrad qu'il a dans son authentique al-sahih qu'on connaît comme Sahih al-Bukhari. Chapitre Allah a maudit celui qui maudit ses propres parents. Amr ibn Marzouq, il dit que Shu'bah nous a informé d'après le Qasim ibn Abi Bazzah, d'après Abu Tufayl, qui dit que Ali radiallahu anhu fut questionné. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a attribué particulièrement quelque chose qu'il n'a pas attribué particulièrement à tous les gens? Il répondit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas attribué particulièrement quelque chose qu'il n'a pas attribué particulièrement aux gens, si ce n'est ce qui se trouve dans le fourreau ou dans l'étui de mon épée. Puis il sortit un livre, radiallahu anhu, dans lequel il y avait écrit La'anallahu man dabaha li ghayrillah. La'anallahu man ghayyara manar al-ard. La'anallahu man la'ana walidayh. La'anallahu man awa muhditha. Allah a maudit celui qui égorge une bête, qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah. Allah a maudit celui qui change les limites d'une terre. Allah a maudit celui qui maudit ses propres parents. Allah a maudit celui qui couvre un muhdith. Que nous, ici, on va traduire par un criminel ou un innovateur. On va voir pourquoi on a traduit ça de cette manière à la fin du cours, Inch'Allah. Alors ici, il se peut que certaines personnes qui ont l'habitude de faire des cours dans le Tawhid et qui ont peut-être vu dans Kitab Tawhid, surtout dans l'édition que moi j'ai publiée et que j'ai traduite et que j'ai publiée de Charles Fawzan, ils vont voir que même moi-même, par exemple, dans l'édition que j'avais publiée, j'avais traduit par qu'Allah maudisse quiconque sacrifie une bête par égorgement pour autre qu'Allah. C'est-à-dire que c'est une dua, qu'Allah maudisse. Et c'est pas une erreur, et je vais vous expliquer pourquoi. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, dans son explication de Kitab Tawhid, il dit: وقالوا لعنة يحتمل أن تكون الجملة خبرية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله، ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر أي اللهم لعن من ذبح لغير الله، والخبر أبلغ لأن الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. Il dit que il se peut que la phrase soit une information. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah a maudit celui qui sacrifie une bête par égorgement pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ici dans ce cours-ci, on a traduit par Allah a maudit. Et il se peut que ce soit une phrase, une sha'iyya, avec la formule d'information, la formulation d'information, et que ça a le sens de Allahumma l'an, madabha li ghirillah. Oh Allah maudit, ou plutôt en français, qu'Allah maudisse celui qui sacrifie une bête par égorgement, c'est-à-dire une dua. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, il dit Wal khabar ou ablagh, l'information, c'est-à-dire Allah a maudit, c'est plus expressif. لأن الدعاء قد يستجاب car la vocation il se peut qu'elle soit acceptée وقد لا يستجاب et il se peut qu'elle ne soit pas acceptée. Donc ça c'est juste un point par rapport au mot la'ana. Donc ici c'est pour ça qu'on a traduit, donc c'est pas une erreur d'avoir traduit dans le passé ou que d'autres personnes traduisent par qu'Allah maudit. Mais nous on a choisi ici en fonction de la parole de Cheikh Al-Uthaymin, Allah a maudit parce qu'il a dit que c'est ablar, c'est plus expressif, c'est une jumla khabariya et que c'est une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah a maudit celui qui gorge une bête pour autre qu'Allah, celui qui change les limites d'une terre, celui qui maudit ses propres parents, et celui qui couvre et protège un muhdith, c'est-à-dire un criminel ou un innovateur, comme on va le voir dans quelques instants, incha'Allah ta'ala. Alors maintenant, comment Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, nous explique ce passage. Il dit « لقد اجتمل هذا الحديث على بيان أربع جرائم من الجرائم التي تعتبر من الموبقات » لأن ما ترتب عليه لعن أو ختم بنار أو غضب فهو من كبائر الذنوب. Ce hadith comprend la mise en évidence de quatre crimes parmi les crimes qui sont considérés comme faisant partie des péchés destructeurs. Car toute chose qui résulte en une malédiction ou qui est scellée par une mention du feu ou la colère d'Allah fait partie des péchés majeurs. On avait déjà cité ça dans des cours précédents. On avait dit la colère, la malédiction, que ce soit qu'il y ait une mention du feu, de l'enfer, ou qu'il y a une peine légiférée qui en résulte, un had. Ou que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dise que je suis innocent d'eux. Etc. Ce sont des caractéristiques qui sont données pour définir ce qui est un péché majeur, un kabira, min kaba'ir dhunub. Et Cheikh continue en disant, reprenons chaque point du hadith, pardon, fal dabhu li ghayrillah shirkun akbar. Afwan. Kaman yadbahu li ashabi al-adriha yarju jalba maslahatin aw daf'a darrin. فإن كان مسلما قبل ذلك خرج من الإسلام وصار مرتدا عن الإسلام لأن هذا العمل من الأعمال التي لا يعذر أحد بجهلها وهي الإشراك بالله تبارك وتعالى فالذبح عبادة يجب صرفها لله وحده فإذا صرفت لغير الله سواء لحي أو ميت رجاء جلب المصلحة ودفع الضر أو تبركا وقع في الشرك الأكبر وحينئذ تعرض عليه عفوا تعرض عليه التوبة ليتوب فإن لم يتوب ضربت عنقه كافرا مرتدا وهذا هو الذنب الأول من الموبقات. Alors quel est ce premier péché parmi les péchés destructeurs cités dans ce hadith? Égorger une bête ou sacrifier une bête pour autre qu'Allah est une association majeure à Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui offrent des sacrifices aux gens des mausolées, cherchant par cela l'obtention d'un intérêt ou le repoussement d'un mal. Si la personne qui commet cela était musulmane avant de le commettre, elle sort en raison de cet acte de l'islam et apostasie. Car cet acte fait partie des actes au sujet desquels les gens ne sont pas excusés par l'ignorance, et c'est l'association à Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Égorger une bête est un acte d'adoration. Il est donc obligatoire de le vouer à Allah seul, et s'il est voué à autre qu'Allah, que cela soit pour un vivant ou un mort, cherchant par cela l'obtention d'un bien ou le repoussement d'un mal, ou cherchant la baraka, l'individu sera alors tombé dans l'association à Allah majeur, et à ce moment-là, le repentir lui est demandé. Et s'il ne se repent pas, son cou est tranché en tant que mécréant apostat. Alors ici, attention, ceci n'est jugé et sa sentence n'est appliquée que par les instances juridiques et les gens qui détiennent le commandement dans les pays islamiques. Il n'appartient donc pas aux particuliers d'appliquer ces peines légiférées, que cela soit dans les pays musulmans ou les pays non musulmans. Voici donc le premier péché parmi ces péchés destructeurs. Quel est le deuxième? الذنب الثاني من الموبقات تغيير منار الأرض أي معالم الأرض التي تفصل أرض فلان من أرض فلان وملك فلان من ملك فلان فإن من غيرها من أجل أن يعتدي على جاره أو مشاركه في الملك ليحوز شيئا من الأرض بالحرام فقد عرض نفسه لهذه العقوبة ألا وهي اللعنة وهذا معروف يكون في الأراضي الزراعية ويكون في الأراضي السكنية. Le deuxième péché parmi ces péchés destructeurs, c'est changer les limites d'une terre, c'est-à-dire les délimitations d'une terre, qui délimitent la terre d'un tel de la terre d'un tel, la propriété d'un tel de la propriété d'un autre. Quiconque change ses limites afin de porter préjudice à son voisin ou son associé dans une propriété, afin d'obtenir une partie de la terre de manière illicite, expose sa propre personne à ce châtiment qui est la malédiction. Ces limitations sont connues. Et elles sont sur les terres d'agriculture et sur les terres résidentielles. Troisième péché destructeur parmi les péchés destructeurs cités dans ce hadith, al-mubiqatu thalitha man la'ana walidayhi. Wa qad ja'a kayfiyatu la'ni al-walidayn mufassara bi an yal'ana ar-rajul aba ar-rajul fi yal'an abah ay yahsul tala'un bayna ithnayn bi an yal'ana ahaduhuma abawayhi al-akhar fi yal'anu al-akhar wa al-akhar walidayhi. وإن لم يصرح بلسانه في لعن والديه ولكنه لعن أبا فلان ورد عليه بمثل ما فعل فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه وذلك من الكبائر العظيمة التي تجب التوبة منها فورا وهذا كثيرا ما يحصل عند الخصومات وتبادل الكلام بالسب والشتم وحصول الغضب ونفاد الصبر وتدخل الشياطين شياطين الإنس والجن. Quel est ce troisième péché destructeur? Celui qui maudit ses propres parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Cheikh, il explique, il dit, la manière de maudire ses propres parents a été expliquée comme étant le fait qu'un homme maudisse le père d'un autre homme et que donc cet homme lui maudisse son père à lui en retour. C'est-à-dire que les deux personnes maudissent de manière réciproque les parents de l'autre. En ce que l'un d'entre eux maudisse les parents de l'autre et que celui-ci maudisse les parents du premier en retour. Et ce même s'il n'est pas explicite et ne maudit pas textuellement ses propres parents à lui. Mais il a maudit le père d'un tel et donc l'autre, ce un tel en question, le lui a rendu de manière réciproque, en réciprocité. Et c'est ça que ça veut dire, celui qui maudit ses propres parents. S'applique alors à lui la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, Allah a maudit celui qui maudit ses propres parents. Et cela fait partie des immenses péchés majeurs, dont il est obligatoire de se repentir tout de suite. Cela arrive beaucoup dans les disputes, et dans l'échange réciproque d'insultes et d'injures, et lorsque les gens sont en colère, et que les gens perdent patience, et que s'en mêlent les démons parmi les djinns et les démons parmi les êtres humains. Alors ici, un point par rapport à ce genre de malédiction, ce genre d'insultes, ce genre d'injures, etc. C'est devenu très courant chez certaines catégories de gens, et surtout malheureusement chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils s'insultent très rapidement, même à tel point qu'on a déjà entendu des jeunes qui ne s'insultent même pas quand ils sont énervés, quand ils sont en dispute ou fâchés ou autre en querelle. C'est devenu comme un genre de ponctuation d'une phrase. À quasi chaque phrase, il y a une insulte qu'on va pas, il y a des insultes qui disent qu'on ne va pas rapporter parce qu'on ne va pas se rabaisser à leur niveau et à ce genre de comportement bas, vil et mauvais. Mais Vous savez tous à quoi je fais référence. Vous pouvez deviner tous à quel genre d'insulte je peux faire référence. Et subhanallah, c'est devenu quelque chose de normal. Surtout chez beaucoup de jeunes. C'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Il faut essayer de corriger ça chez les gens petit à petit. Si nous, l'un d'entre nous, est éprouvé par ce genre de choses-là, il doit corriger sa langue. Il doit corriger ses. Le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui insulte et qui est injurieux, qui est insultant et qui. Ici, on voit encore une fois, à notre époque, où l'adou billah, ça arrivait à tel point que les gens, ils s'insultent même, pas quand ils sont en querelle, ils s'insultent même en rigolant, ou en discutant, ou dans une discussion tout à fait normale. Et quand on dit s'insulte, ils insultent souvent la mère de l'autre, ou le père de l'autre, ou les parents de l'autre, etc. Même en termes juste de ponctualité, comme ça, parce que. Ou pardon, de ponctuation, juste comme ça, parce que ça, c'est une habitude prise par les langues, une mauvaise habitude prise par les langues. Wal a'oudhou billah. Et les mauvaises fréquentations font leur effet. Peut-être qu'un jeune, il est bien éduqué, il sait parler correctement, il sait qu'il ne faut pas injurier, qu'il ne faut pas être insultant, qu'il faut être poli, etc. Mais au fur et à mesure, avec le temps, quand il fréquente des gens dans la rue, ailleurs, au quartier, etc., etc., il fait partie d'un groupe de jeunes, etc., et puis il commence à prendre les mauvaises habitudes. Wallahul musta'an. Quatrième péché parmi les péchés destructeurs qui sont cités dans ce hadith, الرابعة إيواء المحدث والمراد به التستر على أهل الإجرام بأن يكون مجرما عرف بذلك ثم يأتي إنسان يدافع عنه بل ربما يبذل المال عنه حتى لا يعاقب العقوبة الشرعية ويعتبر ذلك أو يعتبر ذلك من باب المعروف أو من باب الإحسان إلى الشخص وليس كذلك بل إن كان من كان محدثا ك صناع الخمور والمتاجر في المخدرات على اختلاف أشكالها وأنواعها والذين يتربصون بالناس الدوائر ويؤذونهم في أعراضهم وأموالهم كل ذلك لا يجوز لأحد أن يدافع عنهم وأن يؤويهم ومن ذلك الفئات الضالة في هذا الزمان لا يجوز لأحد أن يتستر على أحد منهم علمه أو يعتذر له بأنه مغرر به أو جاهل أو أنه فقير ما حصل على مال من الدولة أو مشاكل ذلك كل ذلك من إيواء المحدث فمن فعل ذلك فقد عرض نفسه للعنة الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث الصحيح فالحذر الحذر من غضب الله وموجبات عقابه يا أولي الألباب والله أعلم. Quel est ce quatrième et dernier péché destructeur cité dans ce hadith? Celui qui couvre un criminel ou un innovateur. J'avais dit qu'à la fin du cours, on allait revenir sur ce point-là. D'abord l'explication de cette partie du hadith par Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala. Le sens voulu est de couvrir les gens qui commettent des crimes, de les protéger. Et c'est que le criminel soit connu comme tel, puis que la personne le défende. Mais de plus, il se peut même qu'elle dépense de l'argent pour lui, afin qu'il ne soit pas puni de la punition légiférée. Et la personne considère cela comme faisant partie de ce qui est convenable, ou du domaine de la bienfaisance envers la personne. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, si c'est un criminel, comme ceux qui fabriquent de l'alcool, et ceux qui commercent dans la drogue, quel qu'en soit le genre ou la forme, et ceux qui guettent les gens, puis leur portent préjudice dans leur honneur et dans leur bien. Alors ici, un point intéressant, Cheikh Zayd rapporte ici, et c'est vrai, subhanallah, encore une fois, surtout chez beaucoup de jeunes dans les quartiers, etc., c'est devenu à la limite comme bien et cool, yani d'être un dealer ou d'être un braqueur ou d'être quelqu'un qui fait du mal aux gens, de rentrer chez les gens, de les attaquer. C'est devenu comme une manière normale de se procurer de l'argent. Et c'est devenu même bien. C'est celui qui fait ça, c'est même valorisé. A'oudou billah. Qu'Allah nous préserve de cela. Vendre de la drogue, c'est très très grave. Vous entendez ce qu'il a dit le cheikh ici. Que ce soit en petite quantité, évidemment, en grande quantité, c'est pire. Et quelle que soit la drogue, on avait parlé l'autre jour dans Nasih al-Waladiyya que c'est pas parce qu'on appelle quelque chose de l'herbe ou on appelle quelque chose une drogue récréationnelle ou un moyen de méditation, ou un moyen de je sais pas quoi, de se calmer, un moyen de relaxation, que c'est plus une drogue et que c'est plus interdit. Ce qui est haram, il est haram. C'est wadih de kalam ahl al-ilm que les drogues, qu'elles soient soi-disant classées par douces ou dures, elles sont toutes non autorisées, elles sont toutes interdites parce que c'est intoxicant. sans compter les nombreux mots que ça engendre. Et sans compter le fait aussi quand on parle des vols et des braquages et des vols dans les maisons et des attaques des maisons, des gens dans leurs maisons, etc. C'est des choses qui sont graves, qui ne sont pas prises à la légère. Alhamdulillah, les jeunes, ils ont qu'à, alhamdulillah, chercher le rizq le halal. Et celui qu'Allah Azzawajal, celui qui délaisse quelque chose de haram pour Allah Azzawajal, Allah Azzawajal lui facilite le rizq. Il lui ouvre des portes, il lui ouvre des issues favorables, il lui facilite. Il lui donne de la subsistance dont qu'il n'attendait même pas. Et quiconque délaisse quelque chose d'interdit pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui remplace par quelque chose de mieux. Parce que n'oublions pas, nous tous, nous allons devoir remettre des comptes sur les actions qu'on a, et notamment, qu'on fait, et notamment sur rizq et les revenus qu'on essaie d'engendrer et d'avoir. Donc, on continue à parler chez Zayd ici. Il dit, Rahimahullah, au contraire, si c'est un criminel comme ceux qui fabriquent de l'alcool et ceux qui commercent dans la drogue, quel qu'en soit le genre ou la forme, et ceux qui guettent les gens puis leur portent préjudice dans leur honneur et dans leur bien, tout cela, il n'est pas permis à qui que ce soit de les défendre ni de les couvrir. Les groupes égarés à cette époque-ci font partie de cela. Il n'est pas permis à qui que ce soit de cacher l'un d'entre eux, au sujet duquel il sait, ou de lui donner comme excuse qu'il est dupé ou ignorant, ou qu'il est pauvre et qu'il n'a pas reçu de l'argent de l'État ou toute autre chose similaire. Tout cela fait partie de couvrir un criminel. Quiconque commet cela aura exposé sa propre personne à la malédiction d'Allah, exalté soit-il, comme cela est stipulé dans le hadith authentique. Cheikh, il termine en disant: attention, attention quant à la colère d'Allah et aux causes de son châtiment, ô vous les doués de raison, et Allah est le plus savant. Avant de revenir plus en détail sur le mot muhadith, évidemment, ici, dans le hadith qu'il a cité le Cheikh, à lui-même le Bukhari, rahimahullah, il y a un témoin argumentatif, c'est-à-dire qu'on a cité quatre péchés destructeurs, mais le titre du chapitre c'était Babu la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Chapitre, Allah a maudit celui qui a maudit ses propres parents. Et donc le témoin argumentatif dans le hadith, c'est la troisième partie du hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Donc, Cheikh, il a expliqué tout le hadith, mais le témoin argumentatif, c'est-à-dire la raison pour laquelle l'imam Bukhari, il a amené ce hadith dans ce sujet-là, pour illustrer ce sujet-là, et comme argument dans ce sujet-là et à ce chapitre-là, eh bien, c'est cette partie-là du hadith, La'an Allahu man la'ana walidayhi. C'est-à-dire que ce qu'on avait cité dans plusieurs cours, ce qu'on appelle wajhul istidlal. Quand on utilise une preuve, on doit après expliquer pourquoi cette preuve est une preuve pour ce qu'on avance. Et justement, c'est cette partie ici qui est une preuve pour ce qu'on a avancé, c'est-à-dire qu'Allah a maudit celui qui maudit ses propres parents. Ça, c'est un point. Ensuite, par rapport au mot muhadith, on avait dit qu'on allait faire un point par rapport à ça, parce que c'est important et c'est intéressant aussi de le faire. Quand j'avais traduit, j'avais dit qu'Allah maudit celui, ou Allah a maudit celui qui couvre, protège un muhdith, on avait dit un criminel ou un innovateur. Alors pourquoi on a traduit de cette manière-là? Eh bien, je vous explique. Le grand savant imam Cheikh Abdelaziz Ben Baz, qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde, il explique le sens de Allah a maudit celui qui couvre, protège un muhdith, en disant le muhdith, c'est celui qui commet quelque chose en islam. Et donc quelqu'un le couvre, le protège, afin qu'on ne lui soit pas appliquée la peine légiférée, ou qu'on ne lui soit pas appliquée la peine méritée. Celui qui commet cela est maudit de la bouche du prophète, a.s.w., qui a informé qu'Allah l'a maudit. Donc quiconque couvre ces criminels mérite cette malédiction. C'est-à-dire qu'ils empêchent que la peine légiférée par Allah leur soit appliquée pour la fornication, ou le vol, ou l'homosexualité, ou autre. Ils empêchent que leur soient appliquées les peines légiférées, et donc se mettre entre les détenteurs du commandement et eux. Parce que comme on a expliqué tout à l'heure, ces peines-là, elles doivent être émises, les sentences doivent être émises par un juge, elles doivent être appliquées par les détenteurs du commandement dans les pays islamiques. Ce hadith, il est aussi rapporté avec la formulation muhdathan. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La'an Allah man awa muhdithan. Mais il y a une autre version du hadith, la'an Allah man awa muhdathan. Celle qu'on a rapportée ici, elle avec une kasra sous le dal, et celle que je vous rapporte maintenant dans la parole de Cheikh Ibn Baz, c'est avec une fatha sur le dal. Et justement, Cheikh Ben Baz, il explique cela et il dit, rahimahullah ta'ala, ce hadith est aussi rapporté avec la formulation muhdathan, avec une fatha sur le dal, c'est-à-dire l'innovation religieuse, al-bid'a. Couvrir l'innovation religieuse est encore plus grave et plus dangereuse. C'est encore plus grave et plus dangereux. Donc le muhdith qui a commis des péchés ou des innovations religieuses, celui qui le couvre afin que ne soit pas appliqué l'ordre d'Allah, l'appel légiféré par Allah, entre dans cette malédiction. De même, pour ceux qui innovent les innovations religieuses et les couvrent, les protègent, ils entrent dans cette malédiction qu'Allah nous en préserve. Et ça rejoint la part de Cheikh Zayd quand il a parlé des groupes innovés et qu'on trouve et égarés qu'on trouve à cette époque-ci. Et en d'autres époques. Mais Cheikh, il a parlé plus particulièrement des groupes de cette époque-ci. Une autre parole maintenant, celle de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il explique ce ihdath en disant: cela englobe d'innover dans la religion, comme les innovations religieuses, bida' innovées par les jahmites, les mu'tazila et autres, comme cela englobe également de commettre des choses dans les affaires de la communauté, comme les crimes, etc. Donc celui qui protège un muhdith est maudit, ainsi que celui qui le soutient et lui porte secours, car le protéger est le protéger pour qu'un mal ne le touche pas. Et celui qui le soutient, c'est plus grave et plus sévère. Pour les deux sources, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, c'est tiré de leur explication respective de Kitab al-Tawhid. Et alors maintenant, il reste à nous voir quel est le sens de malédiction. Quel est le sens du mot malédiction? On avait dit tout à l'heure qu'on peut traduire la'anallah par kalam maudis ou Allah a maudit. On a choisi aujourd'hui la traduction Allah a maudit. On a expliqué pourquoi. Et Cheikh Al-Fawzan, dans son explication de Kitab Tawhid, son explication résumée, Moulakhas Sharh Kitab Tawhid, il explique, il dit, la malédiction d'Allah est le bannissement et l'éloignement, et de la part des gens, c'est l'insulte et l'invocation. D'ailleurs, par rapport au La'an Allah awa muhditha, Cheikh Al-Fawzan dit la même chose que Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, évidemment, et les autres savants, notamment Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi et beaucoup d'autres savants. Il dit: quiconque protège un criminel qui est en droit de recevoir une peine légiférée et empêche donc que cette peine légale lui soit appliquée, ou quiconque est satisfait d'une innovation dans la religion et l'approuve. Ça aussi, ça rentre dans le hadith. La'an Allah man awa muhditha. Donc ici, il faut faire attention, parce qu'on a parlé de l'ana. Ici, on a informé, donc Allah éloigne, bannit de sa miséricorde quiconque commet l'un de ses crimes. Il faut donc faire attention à ces quatre crimes qu'on a cités et qui sont parmi les péchés destructeurs. Wallahu a'lam, wa jazakumullahu khairan, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc comme d'habitude, bidillah ta'ala.